gets easy. Si le butin est gros, je veux ma part en chiche. Et si dans les jolies ressortent les appels de ma puce, je ferme ma gueule à part entière. Le Seigneur est grand, je te le garantis. Oui. Tes imbéciles de potes sont pas rentables. Je me fais payer par le patron de la boîte, car sans moi, sa putain de boîte n'est pas remplie. Et dire qu'avant ça, je pouvais pas rentrer. Merde. Me demande pas ce qu'il y a. Jack et Daniel me font vaciller. Vécu d'un jeune de Massilia. J'ai déjà quelques amis calcinés. Merde. Ah ouais, c'est Balsino. Je trouvais Chétan dans ce bal sinistre. Disparition comme un Baltimore. L'ange de la moelle n'est pas timide. Le truc, je l'ai volé à l'un. Bien sûr que je l'ai vendu à l'autre. Tes anciens sont toujours en retard, on remet les pendules à l'heure. Nous, on ne s'est pas vendu à l'un, on ne s'est pas vendu à l'autre. On ne s'est pas rendu à l'est, on va pas se rendre jusqu'à l'aube. Je leur ai préparé des bails sales, t'as les bails sombres, t'as le Barça. Coffrez ma salade dans le caleçon, de toute façon, je suis bon qu'à ça. J'attends de votre part aucun conseil sur ma tactique, je veux Marseille. On me connaît déjà, je suis Larlar, je suis Herbel, je suis Marseille. On met l'ambiance, on fait les choses sans se vanter. Bon sang, vu du bon taf, c'est ce que les grands nous ont montré. Toute la night, je vois ses textos, je vois ses appels sur mon phone tel. Fonce des bantons pour elle, je vais au studio, je retourne bosser. Je prends la guitare par les cordes, fuite mon époque. Je prends la guitare par les cordes, fuite mon époque. Je prends la guitare par les cordes, fuite mon époque. Je prends la guitare par les cordes, fuite mon époque. On l'a juste béni, meilleur des fénèques, tireur de pénaux. Je plane au-dessus avec les ailes du phénix, l'honneur du pays, la peur du très haut. Hein, la pas du gain dans ma ville, hein, tout le monde veut gratter son billet. Y'a ceux qui le font pour Cendrillon, et ceux qui finissent en cendrier. Ne leur amène pas des armes servies, les petits sont des pros, pros, pros. Elle t'a dupé sur un selfie, c'est vrai que son boule est trop, trop, trop. Moi je t'avais dit fais gaffe à celle-ci, tu m'as dit c'est ma go, go, go. Mais pour elle t'es qu'un plat servi, elle a donné le go, go, go. Non. Mauvaise ambiance, on fait les choses sans se vanter. Bon sang, fait du bon taf, c'est ce que les grands nous ont montré. Toute la night, je vois ses textos, je vois ses appels sur mon phone tel. Fonce des bâtons pour elle, je vais au studio, je retourne bosser. Je prends la guitare par les cordes, fuite de mon époque. Je prends la guitare par les cordes, fuite de mon époque. Je prends la guitare par les cordes, fuite de mon époque. Je prends la guitare par les cordes, fuite de mon époque.